Deux oranges, je remords robe sans belly. Je reste le même quand je bois des lits. C'est voulu si je mets pas le but comme Balotelli. Et oui, Don Pietro s'est donné par génie. Ma maman dit c'est rien, laisse-les parler. Ils savent pas faire le quart de ce que tu fais. Ils aiment des rumeurs qui me font marrer. J'en ai pas un 06. A dire qu'il y a qu'une chose d'un gros 6. Maintenant à chaque contrôle, je fais faire une doula à la police. J'en ai pas un 06. A dire qu'il y a qu'une chose d'un gros 6. Maintenant à chaque contrôle, je fais faire une doula à la police. Oh putain, ouais, t'es trop fraîche. Oh man, calme-toi vite, tu vas te prendre une fesse. Si t'es mon frère, un problème, faut que tu sois là. J'ai préparé le trou pour ça, te para. Tu t'es manqué, ben ouais, tu paieras. Calé, je regarde les étoiles là. Attendez, je le gaillard. La vie, c'est plein des niveaux comme dans Fort Boyard. C'est la guerre, je suis en manque de dollars. Je suis au café, je vois le beau temps. Me croiser pour toi, ça sera embêtant. Je suis juste un homme, je fais pas le titan. Quand je suis pas baisé, c'est la vie qui me détend.